Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et je suis accompagné de Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut, moi le gars qui était absent pour la centième de son show. Ouais, tu sais, quand on célèbre, t'es pas là. C'est ça, moi j'ai toujours le don de mettre une douche froide, ces célébrations, fait que... on n'a pas pris de chance. Non, j'ai décidé que je vous laissais faire. C'est quoi la réalité augmentée? Si vous vous branchez pour la première fois sur l'émission, on parle de jeux vidéo, de cinéma et parfois de technologie. Et ça donne bien parce que cette semaine, le parfois est x2. Parce que moi, je vais vous parler, petit reportage sur la réalité augmentée, la technologie en tant que telle. Ça fait 100 shows qu'on se prépare, on est primé, ça a comme pas de bon sens. Côté préliminaire, man, il n'y a jamais personne qui a fait mieux que ça, là. Et toi, tu vas nous parler d'un gadget que tu gardes secret. Oui, je vais vous parler d'un petit gadget qui vient de France, que j'ai reçu au courant de la semaine. Je ne me rappelle pas si j'en avais déjà parlé. Je pense que non, mais je vais vous parler de ça ce soir. C'est bien, bien intéressant. Ça s'appelle un Wistiki. OK. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. On va l'apprendre tantôt. C'est ça. À suivre dans un élément plus tard de la réalité augmentée. C'est ça, dans quelques secondes, parce que c'est ça. Après la pause. Moi, j'ai un win. On n'a pas de fail cette semaine. Je n'ai qu'un win. Tu sais comment est-ce que la situation économique de la Grèce, ça va pas super bien depuis un petit peu plus d'un an. C'est ça, hein? Ouais. Non, ça va pas super bien. Le pays sur le bord de la faillite, la grosse patente. Eh bien, devine quoi? Les jeux vidéo vont sauver la Grèce. OK. Je pensais que ça encourageait à avoir de la Grèce. En tout cas, mon taux de taille me disait ça. Mais bon. Non, le pays. Ah, OK, l'autre affaire. En fait, c'est qu'il y a un des économistes, il est économiste enseignant à l'Université d'Athènes et aussi en Belgique, l'Université de Louvain. Il se nomme Yanis Varoufakis et il est économiste pour Steam. C'est lui, entre autres, qui a instauré le système de monétisation des jeux Dota 2 et Team Fortress 2 avec tous les cossins cosmétiques là, qui se mettent à vendre et le modèle économique de Steam. Le gars, c'est un bolet. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il y a un nouveau gouvernement qui est celui qui est à la tête. C'est Alexis Tsipras. Je ne suis pas sûr si je le nomme comme du monde, puis c'est pas bien grave. Parce qu'il ne sera pas. Non, il ne sera pas. Il a nommé M. Varoufakis de Steam ministre des Finances de la Grèce. Donc, à partir de maintenant, ceux qui chialent contre les jeux vidéo, qui disent que ça rend les gens violents, blablabla, là, ben sachez que maintenant, là, l'économie mondiale, c'est par les jeux vidéo que ça passe. On commence par apprendre l'économie dans les jeux vidéo, puis après ça, on dirige des pays, OK? Ouais. OK. Fait qu'à partir de demain matin... je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer en poste, là, mais à partir du lendemain de la journée où est-ce que M. Varoufakis va être en poste comme ministre des Finances de la Grèce, watcher les agences de voyage, watcher tout ce qui est restaurant grec, parce qu'il risque d'avoir des rabais ponctuels partout, tout le temps. Des humble bundles. Des humble bundles. Des voyages en Grèce. Des voyages en Grèce. Cette offre se termine dans 48 heures. Avec un décompte, là. Tu sais, il va y avoir des panneaux de même partout en Grèce. Donc, tout va être en deal éventuellement, à un moment donné, en Grèce. Il faut juste surveiller. Ça va être... S'il y a un temple à vendre, t'attends qu'il soit en deal. Donc, ça risque de fonctionner de même en Grèce. Il n'y a plus personne qui va rien acheter à plein prix, tout le temps à rabais. Ouais, OK. Ouais, ça peut être intéressant. Bonne chance. Oui, ça serait plate que ça aille pas bien, mais ça va déjà pas mal pas bien. Donc... Ben, ce qui arrive, c'est que ça peut pratiquement pas aller pire que là. C'est bien, oui, ils pourraient faire faillite. Parce que là, ils veulent demander aux personnes qui leur ont prêté de l'argent d'effacer une partie des dettes. Là, parce qu'elles sont comme à 120, sont quoi, à 200% du PIB de dettes. Puis là, il faut qu'il descende ça au moins à 120. Puis là, ils se disent quand même à 120. Là, je vois avec ce que j'ai entendu, là, que ça serait à 120, ce serait même pas assez. Puis pour être légal dans l'Union européenne, il faut que tu sois à 60. On a fait la même. Là, fait qu'ils ont du chemin à faire, là, les Grecs. Ils sont mieux d'en vendre du yogourt grec. Moi, il y a une nouvelle que j'ai lue cette semaine qui est passée. En fait, ça, c'est hier probablement que j'ai vu ça. La Grèce qui demandait à l'Allemagne de rembourser un endettement datant de la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Grèce avait été envahie par l'Italie et l'Allemagne. Et on avait demandé un emprunt. Disons que tu sais, quand t'as le gun, ça attend, c'est dur de refuser un emprunt de genre 1 milliard de dollars des années 40. Là. Fait qu'aujourd'hui, ça vaut genre 11 milliards de dollars. Puis juste avec ça, ça aiderait pas mal à relancer les finances. Puis là, ben, l'Allemagne dit non, on veut pas vous donner 11 milliards de dollars. Donc, ils s'essayent. T'sais, ils mettent ça sur le dos du nazisme puis toute la patente. T'sais, quand t'es la corde au cou, t'es sur le bord de la faillite, t'essayes n'importe quoi, puis la Grèce, ça ressemble un petit peu à ça, en espérant que M. Faroukis puisse améliorer les choses et faire rayonner l'industrie du jeu vidéo à un autre niveau. Peut-être à un meilleur niveau que le nôtre. Ouais, peut-être. Ouais, on va espérer pour lui. Donc, c'était le win pour cette semaine dans la réalité augmentée. Ça va être un show, somme toute, un petit peu plus court parce qu'on a juste deux trucs. Et là, tu m'as piqué ma curiosité. Je veux savoir c'est quoi ta bébelle, c'est quoi le gadget qui vient de la France puis qu'on est genre les premiers au Canada à en parler. OK. Ceux qui le savent, je fais un autre podcast qui s'appelle Podcast Auto. Donc, je suis vraiment un gars d'automobile, de char, dans le fin fond. Et char et technologie, des fois, ça s'applique pas mal ensemble, surtout aujourd'hui. Mais bon, j'écoute une émission de radio qui vient de la France, qui est mise en podcast, qui est à une vraie station de radio, pas comme nous autres, là, mais qui est à une station de radio qui s'appelle RMC. Et puis, ça s'appelle Votre Auto. Puis, eux autres, c'est le dimanche matin, live en France. Moi, je l'écoute en podcast. Et puis, ils ont reçu quelqu'un qui a fait un petit gadget qui s'appelle un Wistiki. OK, donc c'est un gadget qui vient de France. Un de ses créateurs, c'est Bruno Lussato. Là, j'espère que je dis bien son nom. Et puis moi, j'ai communiqué avec lui. Il était au CES à Las Vegas pour présenter justement le Wistiki. Et puis je sais pas s'ils ont eu beaucoup de succès. Peux-tu l'épeler? Parce que moi, je suis en train de chercher, puis je trouve pas Wistiki. W-I-S. Ouais. T-I. OK. K-I. OK. Okay. Comme un Wistiti, mais pas. Fait que c'est un Wistiki. Donc, qu'est-ce que c'est un Wistiki? Ben, c'est un gadget pour les gens un petit peu qui ont la tête un petit peu ailleurs et puis qui va vous permettre d'installer ça après une télécommande pour la télévision, votre cellulaire, une tablette, des choses, votre porte-clé, ça peut servir de porte-clé. C'est quelque chose que vous allez pouvoir accrocher après ça pour aisément retrouver votre objet. Donc, c'est un petit bidule. C'est vraiment tout petit. Là, c'est un peu plus gros. Je dirais peut-être une fois et demie la grosseur d'un 2$ canadien. Ça ressemble à un briquet, mais... Moi, plus petit que ça. C'est très mince. Là, on parle de quelques millimètres. Là, c'est vraiment pas épais comme gadget. Ça pèse non plus vraiment absolument rien. Là, c'est dans les mains, c'est vraiment pas pesant. Donc, si on rajoute ça après un trousseau de clés, c'est pas vraiment plus pesant que l'espèce de porte-clés en métal qu'on peut mettre après, puis des fois qui double le poids du porte-clés. Donc, c'est pas plus pesant que ça. Donc, le Wistiki, ce qu'on fait, c'est que ça fonctionne avec la technologie Bluetooth. Puis, il y a aussi un petit chip GPS dedans qui va pouvoir le localiser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge l'application Wistiki. Et puis, on va l'installer sur notre tablette. On peut aussi l'accéder par l'ordinateur sur le site wistiki.com. Et puis, on va installer notre Wistiki avec l'application de la tablette. Donc, ça va fonctionner par Bluetooth entre la tablette ou votre smartphone, votre iPhone. C'est aussi disponible avec Android. Les gens qui ont des BlackBerry, mais c'est plate. Mais c'est comme ils n'ont pas développé ça pour les C'est ça. Comme la plupart des applications, c'est pas disponible, c'est pas disponible sur BlackBerry. Et puis, donc, on va finalement connecter le Wistiki avec notre application, ce que j'ai fait moi présentement sur mon iPad. Et puis, ça va nous permettre de géolocaliser le Wistiki. L'application va parler avec le Wistiki et puis va localiser sur la carte la dernière position où le Wistiki a été vu. Donc, vous pourriez mettre ça, a été vu avec la tablette pas loin de lui, là. Donc, vous pouvez Si vous oubliez quelque chose à la maison, vous partez ou vous allez à l'hôtel en voyage et puis vous oubliez quelque chose là, ben, quand vous allez vous connecter avec votre tablette sur un réseau Wi-Fi, vous allez être capable de voir où votre WizTicket a été oublié et puis le retrouver. Il y a aussi une manière super sympathique de faire sonner le WizTicket quand vous l'avez laissé à quelque part. Donc, vous accrochez ça après votre manette de télévision et puis, elle n'est pas entre les coussins ou laissez, où vous la laissez habituellement parce que vous êtes allé faire un lavage ou un séchage et puis la télécommande vous a suivi jusqu'à laveuse, sécheuse, mettons. Donc, vous allez prendre votre tablette. Là, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Vous allez prendre votre tablette et puis vous allez appuyer sur le petit bouton de son. Et puis, tu l'entends? Oui, oui, oui. Le whisky va sonner. Ça fait exactement le bruit de le monde. J'ai le goût de me réveiller. Donc, c'est ça, ça, ça dit réveille, t'as oublié ton bisou là. Non, ça sonne comme un cadran le matin. Ça sonne comme un cadran ou une montre qui sonne là, quand on met le réveil dessus. Donc, ça va vous permettre de retrouver le WizTicket dans la maison. Il y a aussi un espèce de système qu'on peut faire qui appelle une laisse électronique. Donc, si vous vous éloignez trop du bidule, ça va se mettre à sonner. Ce qui est bien aussi, c'est que ça fonctionne aussi de l'autre sens. Donc, vous avez trouvé votre WizTicket, mais vous avez oublié où votre smartphone. Ben, on appuie sur le petit bouton et puis ça fait sonner la tablette. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Oui. Mais tu sais, je presse le bouton. OK. Je presse le bouton. OK. Ça veut pas. Petite question que j'aurais à te poser, c'est si tu mets là, comme ton téléphone, là, tu peux mettre pas de sonnerie, là, donc à mute, et qu'il va vibrer. Si tu peux sur le WizTicket, est-ce qu'on outrepasse le fait qu'on a bloqué la sonnerie? Je te dirais que ça a l'air que oui, parce que tantôt, je l'ai fait avant qu'on commence à enregistrer, puis mon iPad, le son est toujours enlevé dessus parce que moi, avoir des notifications à tout bout de champ, je trouve ça un peu fatigant. Puis, même si j'ai pesé dessus, il a sonné quand même. Je l'ai entendu sonner quand même. Il a l'air à bypasser le fait que le son de la tablette ou du téléphone est à zéro. Fait okay. Il a l'air à pouvoir générer le son quand même. Moi, il me l'a fait tantôt, en tout cas. Fait que ça avait l'air à fonctionner comme ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Vous pouvez en avoir plus qu'un. Donc, vous pouvez en acheter une douzaine si vous voulez. Et puis, ça va vous permettre d'en mettre dans une valise, après votre porte-clés, dans des places différentes, puis retrouver vos choses plus facilement. C'est aussi bon. Bon, c'est sûr, si on dit qu'il faut que la tablette soit près de l'objet pour reconnaître sa dernière position GPS, bien, c'est sûr que si on le met dans une valise et on se la fait voler, bien là, ça ne nous permettra pas nécessairement de la retrouver. Mais ça pourrait nous permettre d'être assez fatigant avec le voleur pour faire des pip, pip, pip, pip, pip, pip à tout bout de champ. Puis qu'il décide de sacrer la valise dehors. Il trouve le WizTicket, il jette le WizTicket puis il part avec la valise pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même assez petit. Cacher ça à quelque part assez lointain dans une poche ou dans une valise, ça pourrait être quand même assez difficile à trouver. Parce que c'est vraiment pas gros, puis à l'épaisseur que ça a, c'est pas juste en tâtant vite qu'on va le trouver. Il va falloir vraiment, vraiment fouiller. On fait ça hyper discret. Ça vient avec une pile pour une montre, donc une batterie de montre. Et puis, en la mettant dedans, c'est bon, supposément, pour un an complet. Donc, on change la pile une fois par année, puis on est reparti pour une autre année. Moi, je trouve que c'est un gadget qui est vraiment super intéressant. C'est vraiment cute. J'étais content quand j'ai reçu ça par la poste parce que je l'avais demandé par courriel. Il m'a dit « Ah oui, je vais t'en envoyer un petit peu. » Puis quand je l'ai reçu, je me disais « Hey, c'est le fun. » Puis ça, c'était marqué « France » sur la pochette. Je me sentais tellement important. Wow. Mais ben, c'est rare de trouver quelque chose d'outre-mer. C'est ça. Puis l'application WizTicket, c'est très bien parce qu'il y a... Bon, on peut donner un nom à notre WizTicket. Donc, si on en met un dans une valise, on peut l'appeler valise, on peut la mettre porte-clés, on peut l'appeler porte-clés. Et puis, ça nous permet de tout les localiser. Il y a une carte, vraiment, on a l'impression qu'on est dans Google Maps. Là, puis, on peut s'approcher, on peut zoomer sur la carte pour voir la position, je te dirais, pas mal exacte du WizTicket. Ça doit utiliser un peu le GPS de la tablette ou du smartphone pour se positionner. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est un beau petit gadget. Ceux qui se demandent le prix, c'est pas tellement cher. Le seul problème présentement, c'est que c'est pas en vente au Canada. Ça se vend seulement en Europe. Je sais que, puis en France, ça vient de la France. Je sais qu'ils ont été, comme je disais tantôt, ils ont été au CES pour le présenter. Je sais pas s'il va y avoir des acheteurs, des gens qui vont vouloir le distribuer en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Moi, je vous dirais que ça serait sûrement un super beau petit gadget parce que c'est pas tellement cher. Là, on parle le prix d'achat du petit bidule, c'est 25 €, mais il m'a mentionné le coût. Là, si on le commande du Canada, au lieu de payer 25 € comme les Français payent, nous autres, on paye 20 €. On le paye moins cher parce qu'il fait la conversion. Mais c'est moins cher, mais l'euro, ça vaut plus que les dollars. C'est juste qu'ils le mettent à 20 € parce qu'ils ne facturent pas la TVA pour les Canadiens, fait que la taxe de vente. Et puis, le transport, par exemple, c'est là que ça vient un peu rendre le prix plus cher, c'est que le transport est 25 €. Donc, le transport vous coûte le prix d'un whisky si vous l'achèteriez en France. Hey, mais, on se met à gang, on en commande genre 120 puis on paye un shipping. C'est correct ça? C'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ce que Bruno me mentionne dans le courriel. C'est que si vous le commandez, vous en commandez 20, 30, c'est 25 € pour la livraison. Fait que c'est 25 € peu importe le nombre de whisky commandés. Donc, commandez-en 1000 puis vous allez payer 25 € pour le shipping. Non, mais si vous voulez vous en commander, moi, je vous conseillerais, si vraiment ça vous intéresse, arrangez-vous avec une couple de chums, commandez-vous-en quelques-uns, puis vous payez seulement un frais de livraison. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau petit gadget. Ça serait vraiment le fun que ça s'en vienne au Canada. Surtout que, tu sais, c'est le fun parce que ça marche des deux côtés. Des fois, t'as ton petit bidule dans la main, t'as ton whisky dans la main, mais OK, mon téléphone, il est-tu dans ma poche de manteau? Je l'ai-tu laissé sur la table de nuit? J'ai-tu laissé sur la table de cuisine? Un petit pression sur le bouton, puis hop, ah, il est là-bas. Tu retrouves ça aussi, fait que ça marche des deux sens. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, c'est mon... Moi, c'est plus la portée que j'ai un petit peu de misère à... Tu sais, si tu perds, mettons, on est à l'aéroport, tu perds ta valise, c'est combien de mètres, c'est quoi la distance, quelqu'un qui a vol, il est rendu dans le stationnement, tout est dans Baptiste, ça marche-tu? Non, c'est ça, là, c'est la portée, faut que tu aies la portée du Bluetooth pour être capable de faire sonner le bidule. C'est sûr, si moi je suis au travail, puis le whisky est à la maison, ben il sonnera pas si je pèse sur le bouton. Faut que je sois à la portée du Bluetooth qui est à peu près... je pense que c'est 50 mètres ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est sûr que c'est pas un antivol. C'est pas un boomerang ou c'est pas un système antivol. C'est vraiment un système pour t'as perdu quelque chose, pas nécessairement loin de toi. Ça va t'aider à le retrouver ou ça va te permettre de savoir où tu l'as laissé la dernière fois. Mm-hmm. Fait que t'as apporté quelque chose au travail, tu l'as oublié au travail, t'es allé, je sais pas, à quelque part ailleurs, puis... tu sais pas trop ce que tu l'as laissé. Tu as fait plusieurs places dans ta journée. Tu sors toujours ta valise ou je sais pas tes la dernière place que les deux appareils ont eu du signal commun. On était ensemble. Fait que normalement, tu vas toujours traîner ton téléphone intelligent avec toi. Tu as ton petit whisky, je sais pas, dans ta valise de travail avec tes échantillons puis tout ça, tes vendeurs sur la route, mettons. Ben, puis tu t'en vas, tu oublies ta valise puis tu t'en retournes chez vous puis là, tu dis OK, ouais, mais c'est. Où c'est que j'étais la dernière fois que j'avais ça. Ou, c'est sûr, une valise, normalement, tu devrais savoir que tu l'amènes à tous tes clients, des choses comme ça. Mais tu as laissé quelque chose à quelque part et tu n'es pas trop sûr parce que tu fais 15-20 places. Ben, ça va te permettre de voir la dernière place où ce qui a été localisé. Ouais, je comprends, c'est intéressant. Ouais, ça permet de compenser un peu la justesse du signal. Ah, c'est ça. Fait que c'est sûr, la chose incroyable, ça serait qu'il transmette tout le temps sa position, peu importe où ce qui est. Parce que là, tu pourrais... T'sais, au pire des pires, un bidule comme ça, tu colles ça quelque part à l'intérieur de ton auto, tu te fais voler ton auto, c'est comme un système boomerang, tu sais exactement la localisation de ta voiture. T'sais. Mais là, on parle ça faudrait que ça coûte un petit peu plus cher que ça, parce que ça prendrait vraiment plus de technologie dans la petite boîte qu'on a présentement. Là. Ouais. Truc intéressant que je viens de lire, il y a un mode comme une laisse. Donc, mettons, tu dis, moi, ma valise est tout le temps censée être avec moi et mon téléphone aussi. Si tu actives ça, dès que ta valise n'est plus dans ton signal, ça va, ton whisky va t'avertir sur ton téléphone. Oui, donc, c'est exactement ça. Donc, ça peut être une façon, donc, s'il y a un voleur ou quelque chose comme ça qui t'a déposé ta valise, s'il y a quelqu'un qui veut partir avec, ça va se mettre à sonner puis tu viens d'éviter de te faire voler. Oui, c'est le système de laisse électronique que je parlais il y a 10 minutes. Quand OK, c'est bon. OK. Mais non, c'est ça. Ben, oui. Parce qu'en lisant, j'ai peut-être compris différemment de la façon que tu l'exprimais. Déjà. J'essaie de trouver des excuses. Non, c'est beau. Non, mais c'est exactement ça. Ça te permet aussi de pas être à une distance trop éloignée de ton objet. Fait que tu mets ça après, je sais pas, tes clés d'auto ou ta tablette. Quelque chose qu'il faut pas que tu partes sans le matin. Mettons qu'on prend pour acquis que tu as toujours ton téléphone intelligent avec toi. Ou que tu as toujours ton whisky avec toi. Tu pourrais mettre ton whisky dans ton manteau, mettons. Puis quand tu t'éloignes de ton téléphone, ben ils vont se mettre à sonner parce que tu as dépassé la distance de ta laisse électronique. Fait que c'est une manière aussi de ne pas oublier des choses. T'sais. Fait que non, c'est un petit bidule bien intéressant. Puis je veux dire, c'est pas tellement cher. Là. Si ça se vendait au Canada, c'était une vingtaine de dollars, 25 dollars, ça serait vraiment super intéressant. Le faire venir d'Europe, moi je vous dirais, si vous êtes vraiment intéressé, faites-vous en venir plus qu'un, parce qu'à un, ça va quand même vous coûter, avec le taux de change, tout ça, presque 60 dollars pour un, mais il faut en faire venir quelques-uns. Faites-en venir une dizaine. Si vous avez des talents de vendeur, il y a peut-être une opportunité de peut-être, ce côté-là. Peut-être que si vous voulez distribuer des whisky au Canada... Le marché est ouvert. Que Bruno serait intéressé à discuter avec vous. Mais je sais pas, je trouve que c'est un beau petit bidule. J'espère que quelqu'un va ramasser ça. Ici, c'est des gens qui ont l'air hyper sympathiques. Là. Pour avoir discuté un peu par courriel avec Bruno, ça a l'air d'un gars hyper sympathique. Je leur souhaite beaucoup de succès. Pour l'avoir aussi entendu à la radio, elle a expliqué son petit bidule, comment ça marche. Il a l'air très, très sympathique. Puis c'est trois frères qui ont parti ça. C'est vraiment... On dirait que c'est vraiment un travail qui est sorti d'un amour pour un projet entre trois frères qui voulaient sortir quelque chose qui trouvaient eux autres intéressant puis pratique. Fait que chapeau messieurs. Ouais. Puis j'espère que ça va bien se vendre. Vous allez avoir beaucoup de succès. Puis je trouve le nom cute aussi, Whisticky. Moi, depuis tantôt que j'ai le goût d'aller donner de la moulin à un animal. Là, j'avoue que ça sonne genre comme un hamster ou un whistiti. Ça a probablement une petite connotation pour sonner comme ça, là, mais c'est intéressant. Fait qu'allez voir ça, www.whistiki.com, puis le site est disponible en français puis en anglais, mais surtout en français parce que ça vient de France. Oui, oui. Ouais. Puis l'application est gratuite. Oui, soit dit en passant, ben oui. Parlons maintenant de réalité augmentée. C'est un beau programme dans lequel il y a trois comparses qui parlent régulièrement de technologie, de jeux vidéo, de cinéma. C'est tellement bon, c'est les meilleurs. Il y a trois comparses, mais souvent deux. Souvent deux. Non, j'ai participé à une expérience. On ne m'a rien injecté. Je n'ai pas de d'effet secondaire. Moi, ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Non. Ouais. Ce qu'on essaie, c'est dans le cadre c'est le département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Tout est clair maintenant. Oui. C'est Oliver Buss il y a un nom de Buss, B-A-U-S. Donc, Oliver, qui est en charge de ce projet-là. Et eux, ce qu'ils tentent de faire, c'est d'évaluer, c'est une recherche sur les sentiments de présence et de réalité dans un environnement virtuel. Ça vous tente de tester de la réalité virtuelle, là, comme c'est censé être l'expérience. Tu sais, on te met un casque, on te met des gadgets, là, ses doigts pour mesurer ton pouls, la transpiration, ton rythme cardiaque, et on te fait te promener dans un appartement virtuel. C'est vraiment une très, très belle expérience à vivre. Puis en plus, ça va permettre de développer une recherche qui va servir à la science plus tard. Donc, ça peut être une belle chose à faire. Si vous avez 2 heures, ça peut être 2 heures, tout le processus. Il y a des formulaires avant, après l'expérience en tant que telle. Le test dure 15 minutes, mais ça prend 1h45 pour mettre tous les gadgets après toi. Ben, pas mettre les gadgets, mais tu sais, il y a quand même tout ce qui est protocole, c'est de quoi de. C'est hyper sérieux, là. On n'est pas là pour avoir du plaisir. Ça part bien. Non, mais dans le sens que le but, c'est pas de jouer à un jeu vidéo. Non, je comprends le principe. Là. On nous met dans une prémisse de base, on nous dit vous allez devoir visiter un appartement dans lequel, en fait, dans le quartier, il y a eu un événement et vous devez rechercher un objet en particulier. Et après ça, ben, une fois que t'es dans l'environnement, la musique, toute la patente est là, t'es dans la pièce qui est complètement dans le noir, plus le casque. Donc, c'est vraiment les images qui te sont projetées qui vont créer l'environnement. Tu contrôles ton avancée avec une souris, clic gauche avant, clic droit recul, tu peux ouvrir les portes, les fenêtres, ces affaires-là. C'est vraiment immersif. C'est fou comment est-ce que rapidement tu coupe le pont complètement avec la réalité vraie de vrai. Là. Tant que t'es dans l'appartement, même si, écoute, on s'entend, là, c'est pas Call of Duty où est-ce qu'on a poli les images pendant des centaines et des centaines d'heures, là. C'est plus basique, ça fait totalement du sens, là, mais c'est quand même plus basique que ce qu'on voit dans les jeux vidéo actuellement. C'est pas la qualité de l'image qu'ils recherchaient, mais okay. plus l'expérience d'immersion. Et même si tu le sais, là, que t'es dans un environnement virtuel, c'est fou comment est-ce qu'on rentre là-dedans, pas à peu près. Tu deviens complètement immergé, puis t'oublies que t'es pas vraiment dans l'appartement en question. C'est vraiment une belle expérience à vivre. C'est quelque chose, c'est presque mystique au départ. Après ça, on t'explique les processus, la patente, après, les tenants et aboutissants de la recherche. C'est vraiment très, très cool. Si vous avez 2 heures, vous êtes dans le coin de l'Outaouais, je vous invite à communiquer avec Oliver Boss. Son adresse courriel, c'est le oboss, O-B-A-U-S, à commercial, yahoo.ca. Oui, c'est une adresse commun des mortels, mais c'est pour rendre ça accessible, là, parce que les adresses d'université du Québec en Outaouais, là, c'est plutôt complexe. Donc, il a voulu simplifier. Vous lui envoyez un courriel, vous dites que vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas enceinte, genre de 9 mois et demi, que vous avez genre des malaises chroniques dans les moyens de transport, parce qu'on s'entend que ton cerveau s'imagine que tu es en train de bouger, mais ton corps lui bouge pas réellement. Fait qu'il y a, il y a un décalage. C'est comme lire un livre dans une voiture, là, ça fonctionne ou, pas. Ouais, ou de la 3D pour certaines personnes, des fois. Là. Exactement. Donc, si tu n'es pas malade à 100%, à toi, il faut que tu embarques dans un char, tu tombes malade. Normalement, il n'y a pas de problème. Là. Les critères de sélection sont très, très vagues. Là. Très, très larges. On veut vraiment avoir un échantillon qui est représentatif de la population en général. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Comme je dis, c'est presque mystique comment est-ce que c'est fou comment rapidement on est immergé dans cet univers-là. J'ai hâte de voir l'Oculus Rift, toutes ces technologies-là qui sont en train de se préparer, de se développer. Daniel nous parlait là, de Microsoft et son projet d'hologramme. C'est des lunettes qui créent des hologrammes en avant de tes yeux. C'est pété, là. T'as le moyen et la capacité, l'accessibilité, puis c'est gratuit en plus, d'avoir accès à cette technologie-là de demain pendant 2 heures. Ça va, ouais. Si t'es dans le coin, là, informe-toi. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très, très cool. Et pour les graphismes, je donne un... Non, c'est pas vrai. Pour l'expérience totale, j'y donne un. Mais, tu sais, il n'y a pas de note, là. C'est clair, là. Chacun va le vivre différemment, puis c'est justement ça, le pourquoi qu'on fait l'expérience. Mais je vous invite à communiquer avec Oliver. Il est super sympathique, là. Je pense que c'est un Français de France. Il est super chill, super relax. Ouais, on fait telle affaire. Puis, il t'explique les trucs super relax, super tranquille. Il te prend par la main, t'es OK, on fait telle affaire, là, on est rendu à telle étape, puis il t'explique tout. Puis t'es là, puis tu bois ses paroles. Le gars, il est vraiment passionné par sa recherche et ils ont besoin de monde. Moi, quand j'ai passé, il disait qu'il y avait à peu près le tiers des gens qui avaient besoin et il aimerait avoir terminé aux alentours du mois de juin. Il faut que ça clenche, là. Tu sais, ça prend à peu près 2 heures, fait qu'il peut pas en faire 12 par jour, là. Fait qu'il faut se prévoir d'avance, t'envoies un courriel, tu organises ton rendez-vous avec, puis c'est sûr que tu vas passer un bon moment, tu fais avancer la science, donc c'est vraiment très très sympathique. Je vous invite à communiquer avec M. Oliver Boss. Ouais, ouais. Hey, enfin, on a parlé de réalité augmentée. Ben ouais, toi, puis de techno aussi. En plus? Ouais. Je sais qu'on n'avait pas, on n'a pas grand-chose, puis à date, ça fait peut-être un show un peu court. Je peux peut-être revenir sur quelque chose. J'avais presque oublié. J'avais demandé à Daniel qu'il m'envoie une copie. Puis là, j'essaie de gagner du temps en checkant sur mon iPad en même temps. J'avais demandé à Daniel d'avoir une copie d'un jeu que j'avais fait sur PC il y a un petit bout de temps, qui était Counting Kingdom. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ben oui, qu'on avait fait un concours. Ben oui, notre petit jeu pour enfants. Puis on avait fait un concours, on avait fait gagner 2 copies. Et puis, j'ai eu ma copie pour iPad il y a un petit bout de temps. Et puis, j'ai joué un peu avec, mais j'ai surtout laissé mon garçon jouer avec. Puis, c'est drôle parce que il a joué sur le PC. Puis là, j'ai dit, ah, ben, gars, papa l'a eu sur l'iPad aussi. Est-ce que tu veux jouer avec? Puis tout ça. Mm-hmm. Puis, j'ai laissé y jouer. J'ai joué aussi un peu pour voir un peu comment est-ce que c'est. Écoutez, c'est un jeu qui va super bien sur tablette. On jurait qu'il a été créé pour ça en partant. C'est vraiment bien fait. On a vraiment juste à toucher pour bouger nos bonhommes. Ça joue aussi bien qu'avec la souris. Là, c'est vraiment super bien fait. Les contrôles ont été vraiment... ils ont été bien transmis au jeu de tablette. Puis c'est exactement le même jeu. Donc, si votre enfant a eu du plaisir à jouer la version sur PC, ben c'est vraiment la même chose. C'est la même histoire. Les graphismes, on est allé pareil. Le iPad est capable de recréer exactement les mêmes graphismes qu'on avait sur le PC. Donc, c'est encore aussi beau, aussi coloré avec des monstres qui sont aussi... on pourrait dire, quasiment dire qu'ils sont cute. Là. Je veux dire, ils sont méchants. Ils vont te tuer si t'es pas bon en maths. Mais quand même, c'est toujours super bien. Donc, puis même, j'ai resté surpris parce que, bon, au début, je disais à mon fils, ben, joue à ça. Un, ça va améliorer tes maths. Il est déjà bon en maths, là, mais j'ai dit, ça va améliorer tes maths. Et En plus, ben, tu vas te faire du plaisir et tout ça. Puis j'aimerais ça voir comment tu vas aimer ce jeu-là, tu sais, voir si ça attire les enfants et tout ça. Puis l'autre jour, il n'était pas obligé de le jouer. Je l'ai fait jouer quand j'ai eu sur PC. Sur la tablette, j'ai dit, ben, regarde, essaye-le un peu, je vais voir si t'aimes autant ça. Ah oui, papa, c'est aussi le fun que sur le PC. Et puis l'autre jour, il faisait d'autres choses. Moi, j'étais en train d'écrire un article quelque chose. À un moment donné, je m'en vais le voir. Il était assis à causeuse, puis il était en train de jouer à ça. Fait qu'il est allé vers ce jeu-là par lui-même parce qu'il trouvait ça le fun, puis il trouvait ça intéressant. Fait que pour ceux qui n'ont pas entendu la critique quand je l'ai fait. Quantic Kingdom, c'est un peu un jeu de tower defense, là, un peu à la Plants and Zombies, sauf que dans Plants and Zombies, il faut que tu sois hyper rapide parce que les zombies approchent vers tes défenses. Puis en passant, Plants and Zombies, j'ai jamais joué à ça. Je déteste. Mais je fais juste un rapport à ce jeu-là. Les zombies arrivent vers toi, puis éventuellement, ben, ils passent tes défenses, puis ils te mangent le cerveau, puis tu meurs. Dans Counting Kingdom, les bonhommes avancent, c'est du tour par tour. Donc, tu peux faire comme là, je viens de partir le jeu, puis je suis dans une partie que mon fils a commencé, Dieu sait seul quand. fait que lui, c'est vraiment... tour par tour, donc tu peux jouer, tu peux mettre la tablette de côté, aller faire d'autres choses, revenir, puis continuer à jouer. Puis les bonhommes avancent juste quand c'est leur tour. Puis c'est vraiment, on a des pouvoirs, donc on a des potions qu'on peut utiliser pour détruire ces bonhommes-là. Puis c'est vraiment la manière que ça joue, c'est comme un jeu de cartes. Donc on a des chiffres sur des cartes, puis il faut additionner le nombre de monstres requis pour égaler le chiffre sur la carte. Donc si j'ai un 12 sur la carte, ben si j'ai 3 bonhommes à 2, si j'ai 6 bonhommes à 2, ben là, je suis en train de me mélanger dans mes explications. Mettons que j'ai un 8, j'ai 2, 4, je touche mes 2, 4, ma carte 8 est égale à 4, aux 2, 4, je vais tuer les bonhommes. Et voilà. Fait que j'essayais d'aller trop profondément, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'additionner le nombre de monstres pour équivaloir à la carte, aux cartes qu'on a. On peut additionner un bonhomme, deux bonhommes, trois bonhommes. Tant qu'ils se touchent, un à côté de l'autre, on est capable d'aller les sélectionner pour pouvoir les additionner puis détruire. On a des x2 aussi. Donc, à un moment donné, plus on avance, on a des x2 sur les cases. Donc, si un bonhomme a 5, puis il avance sur la case x2, il devient un bonhomme à 10. Donc, ça prend 10 pour le tuer ou plus. Fait qu'on additionne un autre bonhomme pour équivaloir la carte qu'on a. On a des potions qui peuvent donner des moins, des plus. Parce que oui, ça paraîtrait stupide de vouloir donner un plus 2 à un bonhomme qui est déjà à 10. Mais si tu as une carte à 12, ben, tu lui donnes un plus 2, il devient 12. Puis avec ta carte, tu le détruis. On peut geler, déranger. On va venir avec des pouvoirs plus puissants qui vont pouvoir geler une rangée complète. Puis là, ben, les bonhommes ne pourront pas avancer pendant 2 tours. Ça te permet de soit d'avoir des cartes différentes. On peut faire changer une carte. Fait qu'on peut dire, bon, celle-là, je ne la veux pas. Donne-moi-en une autre. Des fois, on se fait avoir. Des fois, c'est mieux. Fait que c'est vraiment un jeu pour apprendre aux enfants à compter. Puis plus on avance dans les niveaux, plus ça vient compliqué. Plus les bonhommes deviennent forts, plus les bonhommes deviennent avec des gros montants, des gros nombres. Puis les cartes ne sont pas nécessairement toujours équivalentes. Donc, on peut aussi additionner des bonhommes. On peut aussi additionner des cartes. Fait qu'un 10 plus un 12 me donnerait un 22. Fait que là, je peux tuer des bonhommes jusqu'à 22. Fait que c'est un peu stratégique aussi parce qu'il faut dire, OK, je suis capable d'avoir 22? Ah oui, bon, mais je vais m'en matcher ces deux cartes-là puis je vais pouvoir tuer tous les monstres dans la carte. Fait que c'est ça, c'est vraiment jusqu'au dernier monstre. Puis les autres, ils avancent, là, c'est vraiment du 4 par 4. quatre cases de haut, quatre cases de long, puis ils ont quatre cases à avancer pour se rendre à vos défenses, puis là, ben ça détruit. Mais à date, on va toucher du bois, on n'a jamais vu de monstre passer les défenses. On ne l'a même pas fait pour le fun, pour voir ce que ça donnait. Peut-être qu'il faudrait que je l'essaye. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment super intéressant. Fait que c'est un vrai bon jeu pour les enfants. La seule chose, c'est que j'ai pas le prix parce que quand je l'ai eu, puis je vais faire une petite recherche rapide sur notre ami Google, mais quand je l'ai eu, il avait pas l'air disponible sur le App Store parce que moi, j'ai eu un code. Fait que je suis allé, j'ai rentré mon code de téléchargement, puis ça m'a donné, tu sais, ça me l'a fait télécharger. Mais j'ai pas eu de... Ah, t'as pas pu voir voir le prix. Fait que je vais juste aller voir iTunes. T'as Counting Kingdom sur iTunes, c'est 2,99. Bon. C'est 3 piastres. Fait que si vous avez des enfants, je vous dirais qu'ils commencent l'école, première année, deuxième année, troisième année, peut-être aller jusqu'en quatrième année. Tu sais, il est classé 4 ans et plus. Fait que des enfants qui sont jeunes, qui ont à apprendre les mathématiques, puis ça, c'est une manière qui va être intéressante d'apprendre les mathématiques parce qu'on rend ça amusant parce que c'est dans des jeux. Fait que c'est ça. Puis si vous voulez aller chercher votre diplôme peut-être de comptable, ben, ça pourrait être pas pire. C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Non, mais c'est vraiment super bien. C'est par Little Worlds Interactive. Et puis, je vous le recommande fortement. C'est vraiment le fun. Je sais que j'avais déjà fait la critique de la version PC, mais la version iPad est aussi amusante. Là. C'est vraiment le fun. Puis en plus, ça se transporte n'importe où. T'sais. Toujours aussi réactif. Puis... C'est ça. Puis c'est super bien fait. Puis je pense que c'est une petite application qui vaut la peine d'être encouragée. Fait que si vous avez des enfants, 2, 3, 4, 5 ans, si c'est à mon gars 8 ans, puis ben 2, 3, wow, 4 ans et plus, il faut vraiment qu'il commence un peu l'école, fait que 5 ans peut-être en maternelle, c'est peut-être un peu jeune, mais première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, c'est toujours bon, mais initier des enfants jeunes aux mathématiques et à ces choses-là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ouais, puis c'est jamais une mauvaise chose. Non, mais c'est ça, puis tu sais, je veux dire, au pire, vous les aidez. Puis ce qui est bien, si je me rappelle bien, sur PC, le jeu était seulement en anglais, tandis que là, sur iPad, le jeu est en français aussi. Donc, il est multilingue, il va s'adapter à la langue de votre tablette ou de votre téléphone intelligent. Hey, moi, on fait jamais ça sur le show, mais j'ai le goût de faire un genre de preview, un mini-test, un avant-goût. J'ai commencé aujourd'hui Assassin's Creed Unity et j'ai à peu près genre 2 heures de jouer. Là, on s'entend, là, c'est loin d'être une critique. Combien de bugs t'as vu, Adam? J'en ai vu un, mais qui m'a empêché de jouer, zéro. Là. Le gars, on est dans une cinématique et il y a un gars qui décide qu'il passe, mais il est comme à 2 pieds du sol, puis il passe à travers un mur. Genre, c'est comme, ah, OK, pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais là? On était dans une maison, fait que lui, t'es comme le troisième, on l'avait pas vu avant, la cinématique d'école, pff, passe à travers le mur. OK. Pourquoi t'as généré un bonhomme là? Je ne comprends pas, mais en tout cas. Okay. Seule affaire que, ben, pas seule affaire, là, mais une des affaires que j'en manque, premièrement, on a changé un petit peu les contrôles pour les déplacements. Au lieu de tenir la gâchette gauche sur la manette, on tient la gâchette droite pour se mettre en mode course. Ça, c'est pas tellement différent. Sauf que pour grimper sur les murs, à certains endroits où est-ce que les prises pour... qui sont accessibles pour commencer à grimper sont plus hautes que le personnage, faut peser sur le bouton de saut normalement, donc le bouton A sur une manette Xbox, celui qui est à la base du pouce, et ça va permettre de commencer la course au lieu donc de passer à côté puis là de s'accrocher automatiquement à tous les murs, à tout ce qui est grimpable. Ben ton bonhomme va continuer à courir ou il va se ramasser face au mur puis il va attendre que tu pèses sur le bouton avant de décoller sa course. Okay. Je trouve que c'est un bel hybride pour empêcher que ton personnage se mette à grimper sur des affaires sans que tu le veuilles vraiment. Moi, ouais, c'est fatigant. Des fois, j'ai joué à un jeu dernièrement, je me rappelle pas c'est quoi, puis aussitôt que j'approchais de quelque chose, le bonhomme, je l'ai grimpé. C'était « Hey, lâche ça! » Non, exact. Maudit fatigant. Par contre, on n'a pas encore tout réglé. Exemple, tu es en train de grimper, là, tu arrives sur une rambarde. Donc, tu as le plancher, tu as le mur, tu as la rambarde, puis là, tu as l'autre plancher sur lequel tu veux atteindre, ben au lieu de débarquer de la rambarde sur le plancher qui est genre à deux pieds plus bas que lui, là, il va sauter sur l'autre mur en face. Mettons que c'est un corridor là, ou quelque chose comme ça, là, c'est une galerie. Au lieu de débarquer, il va sauter sur l'autre mur. Des fois, ça peut être un petit peu tannant. Donc, c'est pas encore parfait, là, le système d'escalade dans les Assassin's Creed. L'autre affaire que je remarque, la carte est bien dure à consulter. Ils ont essayé de faire une carte genre simili 3D. Si tu zoomes, ça va être comme des modèles réduits de chacune des bâtisses, mais tu sais, grossièrement, là, on s'entend là, des genres de blocs, là, c'est pas vraiment sculpté précis, là, mais tu peux dire, ah là, il y a une grosse bâtisse, ça c'est une petite, ça c'est une grosse, et ils sont en 3D. Quand t'es au-dessus de la carte, ça va bien, t'es en 2D, mais t'as plein d'icônes. Fait qu'il faut que tu te rapproches, faut que tu zoomes. Puis dès que tu zoomes, tu te ramasses comme si t'étais en vue isométrique un peu. Puis là, t'as les tours, puis t'as toutes les affaires. Donc, selon ton point de vue, si t'es trop zoomé, tu vas avoir des tours qui vont dépasser ton point de vue. Fait que, mettons que tu veux aller sur l'une des tours que tu dois activer avec ta vision d'aigle pour voir les alentours, pour savoir où sont les points stratégiques, ben tu peux zoomer plus loin que le point d'accès. Faut que tu recules parce que tu le verras plus, genre. Parce qu'il est rendu en haut de toi. Je sais pas si c'est clairement expliqué, là, mais c'est comme si tu te mettais tellement dans le modèle réduit que ben le haut de la tour était dépassé ta tête, tu sais. OK. Ton champ de vision. Fait que c'est un peu particulier. C'est un ajustement. Il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de choses, et il y a surtout des icônes qui ressemblent à des... tu sais, quand tu vas dans un centre d'achat, on dit « Vous êtes ici », puis là, c'est un petit logo. Tu sais, c'est le seul sur la carte. Ça va super bien, mais là, il y en a plein partout. Okay. Et j'ai de la misère à retrouver où est-ce que moi, je suis réellement. Parce que instinctivement, je me dis cette petite flèche-là, c'est censé être où est-ce que moi, je suis. Il y en a genre 12 millions sur la map. 12 millions étant une exagération, bien sûr. C'est un chiffre totalement... oui, là, c'est arbitraire. Là. C'est de l'exagération, là. Et le logo qui indique où est-ce que tu es, c'est un genre de logo en forme d'assassin bleu. Mais il y en a d'autres, des logos en forme d'assassin, qui sont des missions d'assassin que tu peux faire en coop ou seul, qui sont des genres de défis. Donc là, tu te ramasses avec plusieurs icônes qui se ressemblent, qui indiquent pas la même affaire. OK. Ouais. Le gars qui s'occupe de la minimap, là, on revit. OK, la légende, là, la légende de qu'est-ce que ça veut dire, là, on pourrait revoir ça un petit peu, là. C'est-tu le même gars qui a designé la minimap du jeu de Daniel la semaine passée? Là? Oui, parce que je vous écoutais dans mon char en venant une gang de pas fin. On peut zoomer. Déjà, ça, c'est mieux, là. OK. Ouais, mais c'est pas... C'est déjà ça. Je me disais, deux problèmes de minimap en deux semaines, c'est quoi? La nouvelle plaie du... On est mal tombé. Ouais, c'est ça. Puis, entre autres, exemple, les magasins. Il y a un seul type de magasin. C'est toutes des cabanes avec un F dedans. Mais pourquoi tu mets un F? Mais juste un signe de dollar. Ça veut dire quoi, F? Fabrique? Franc? Fonction? Franc? Je ne sais pas, je comprends ça pas. Ça se passe en France? Ouais. Ça doit être pour franc, j'imagine. Peut-être, là. Mais j'ai de la misère à comprendre. Ça aurait peut-être été plus clair avec un signe. Tu sais, l'icône est comme plus gros que toutes les autres. Ouais, mais c'est un magasin. C'est pas comme si je voyais là à tous les jours, là, à toutes mes games, là. Tu aurais pu mettre juste un signe de pièce ou whatever, là, tu sais, puis ça aurait fait la job, tu aurais pu mettre moins l'emphase là-dessus. Aussi, tu as différents types de coffres. Tu en as qu'il faut que tu peux avoir n'importe quand. Tu peux avoir des coffres qui sont en rouge, qui vont être barrés, puis tu en as que ça va être dans le cadre de défi ou quand tu es en multi que tu vas pouvoir les débarrer. Puis là, des fois, tu te ramasses, tu t'en vas, ah, je vais aller chercher ta affaire, puis là, whoop, ok, finalement, c'était pas de quoi que je pouvais ramasser tout de suite. Fait que j'étais encore un peu perdu. Et surtout, l'affaire qui m'a le plus perdu, si les auditeurs, vous avez joué, que vous avez compris, moi, je suis complètement dans le néant, OK? J'ouvre la console, mon jeu s'installe, grosse patente, là, comme d'habitude, quand tu joues un jeu aujourd'hui, c'est une console de salon, il y a l'installation de la patente. J'ouvre le jeu, là, on me dit « démarrer », OK? Je pèse sur le A, ça démarre. Et là, ben, j'ai comme un écran d'accueil sur lequel j'ai comme plusieurs tuiles, j'en ai peut-être une dizaine. Et chaque tuile semble faire référence à un événement. Genre le batailleur, au pif, là, Marlène et les rois mages. Il y a plein de titres de chacune des affaires. Mm-hmm. Fait que là, moi, je me dis, je vais sélectionner le premier en haut à gauche, ce qui est comme logique. Fait que là, je le prends Et ça me décolle mon aventure. En 2 heures, j'ai joué à 2 occasions, donc je suis revenu au menu d'accueil du jeu et on m'a tout de suite rembarqué dans mon aventure. Fait que cet écran d'accueil-là, de la première fois que j'ai sélectionné celui en haut à gauche, je ne sais pas à quoi il sert. Les autres cases, ils servaient à quoi? C'est-tu d'autres points de départ? C'est-tu d'autres histoires? Y a-tu plusieurs histoires? Je comprends pas. Je sais pas où est-ce qu'on est censé s'en aller. Puis si, mettons, je voudrais voir les autres, comment je fais pour y avoir accès? J'en ai aucune idée. Si vous le savez, je risque de le découvrir par moi-même éventuellement. Mais là, actuellement, je suis complètement dans le néant. Si vous êtes au courant, je vous invite à m'écrire. Je veux savoir. Je comprends pas actuellement. Où est-ce que ça s'en allait? À quoi ça servait? Je suis complètement perdu là-dessus. Fait que si vous le savez, j'aimerais le savoir. 1-800-JB. Ouais. Et sinon, ben côté graphisme, on s'entend, là, c'est super beau. J'ai vu des comparaisons, genre vraie vie, fausse vie, des cathédrales, puis... vraie vie, puis fausse vie. Fausse vie, c'est ça. Dans les jeux vidéo, c'est la fausse vie. Ouais, c'est ça. Et tu vois que tout ce qui est design, tout ce qui est architecture, c'est super bien fait, c'est super beau. Le personnage de Arnaud, ses cheveux m'énervent. Il a une queue de cheval, mais tu vois, on s'entend que on n'est pas encore rendu là dans la technologie. On est capable de faire des super beaux graphismes de bien des affaires, mais designer des cheveux, là. Ouais, c'est pas encore. Hein. C'est pas encore. Puis tu sais, il y a comme 2-3 filaments, mais tu vois que c'est comme pas naturel. Je le sais, je comprends, c'est hyper tough, là. Mais ses cheveux m'énervent. Mettez-y vite la tuque. Il y a comme. J'ai pas encore rendu avec le chapeau d'assassin sur la tête, là. Comme un hoodie, là, t'sais, la capine, là, je l'ai pas encore. J'ai hâte parce que je suis plus capable de voir ses cheveux. Ça m'énerve. T'as toujours l'impression qu'ils ont une foule de spray net dans les cheveux, là, pis c'est collé là. Ouais. Des fois, c'est... Ils sont lisse. Il y a comme pas de froufrou, il y a rien. Non, ça bouge pas. C'est naturel. Ouais, c'est ça. C'est le gars se branle la tête, pis les cheveux restent totalement statiques. Là, déjà, comme... au moins, ils ont fait une queue de cheval. C'est déjà plus rigide, c'est plus compact, là. T'sais, t'as moins à gérer de particules ou d'éléments là, dans la coiffure. Là, mais... oh, ouais. Hey boy! Sinon, les autres, ils ont toutes des perruques. C'est super drette. C'est tout... J'adore ça. C'est de la France de cette époque-là. Là, de... Ah, c'est ça. Ouais, c'est des grosses perruques blanches ouais. Là, ou des gros chapeaux. Là. C'est hyper drette. Là. C'est comme tu vois que ça a été sprinetté, cette affaire-là, comme avec 12 tonnes de sprinet. Puis ça peut pas bouger. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme plus réaliste ça, que la coiffure de Arnaud qui lui vole au vent. Mais tu sais, pas ça, là. Ça fonctionne plus ou moins. J'ai hâte qu'il y ait sa tuque. Fait que, ben, jusqu'à là, c'est ça. Mes premières impressions, ça fonctionne bien. Je suis vraiment perdu. Trop d'icônes. Il y a bien des affaires à trouver. Il va falloir faire un peu de ménage. Il va falloir que j'aille trouver des coffres d'affaires de même, là, parce qu'actuellement, là, j'ai de la misère à trouver son ou mes missions. Tellement qu'il y a trop d'icônes sur la carte. La ville de Paris est immense. C'est très condensé. C'est une zone urbaine, hein. Il y a beaucoup de stock. On a voulu que ça soit vivant. Il y a du monde. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues dans un Assassin's Creed. Puis c'est réaliste. Oui. Tu sais, il y a comme une vie. Tout semble aller de l'avant. Peut-être que je vais avoir joué genre 20 heures puis je vais me rendre compte que tout le temps, les mêmes dialogues. Mais jusqu'à maintenant, là, ça a l'air d'être réaliste dans qu'est-ce qui se passe dans la ville alentour de ce que moi, je fais. Et l'autre affaire que... Ah oui, j'ai fait un petit peu. Tu as certains bâtiments où est-ce que tu as des fenêtres ou des portes ouvertes. Tu peux rentrer. Il y a du monde en dedans. Le monde, ils font les petites affaires. Puis tout se passe. Puis... « Hey, t'es comme chez nous, toi, qu'est-ce que tu fais là? » Je t'ai comme pas invité, tu sais. Va-t'en, là. Okay. Tu te promènes, puis t'es comme pas censé être là. Et il y a zéro loading. Pas de chargement, rien. C'est super fluide. Fait que ça load en background. Sûrement. C'est un tour de force là, là-dessus, Ubisoft, là, de faire de l'intérieur et de l'extérieur. Wow! On est rendu là, next-gen. Je capote. Puis peut-être que je vais me rendre compte, genre dans 3 heures, que c'est tout le temps les mêmes appartements avec 3 pièces. Là. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vu la redondance. Là, je suis encore comme tout ébloui. Éventuellement, peut-être que ça va s'atténuer. Là. Le même appartement avec des rideaux de couleurs différentes. J'ai hâte de voir si je vois des bugs. Ouais, non, mais c'est bien. Regarde, peut-être que par le temps que tu l'as acheté, ils ont patché la majorité des bugs aussi. Sûrement. Ben, ils sont censés. Là. Tiens, ben c'est ça. Ça serait le fun que ce soit au moins pas trop buggé ou parce que ça fait quand même un petit bout de temps que le jeu est sorti. Fait que ouais. Ça devrait. Tu sais, les gros bugs devraient avoir été réglés de toute façon. Là. Mon personnage, où est-ce que je suis rendu, vient d'être accepté genre comme assassin. Et auparavant, tu sais, il y a quelques combats et c'est moins genre t'attends que le gars t'attaque, tu fais une contre puis tu le one-shot. Là. C'est moins comme ça. Mais en même temps, j'ai le sentiment d'être moins puissant que ce que j'étais. J'ai hâte de voir là, quand je vais être en tant qu'assassin, l'entraînement qu'il a supposément vécu, là, voir s'il est plus puissant. Mais jusqu'à maintenant, les combats, ça semblait être... Fais attention parce que tu peux crever. Là. Okay. Alors qu'avant, tu avais le sentiment d'être invincible. Là. Tout le monde attendait un par un de venir t'attaquer. C'est beaucoup plus réaliste maintenant. Tu peux-tu attaquer qui tu veux dans le jeu? Ou tu as vraiment des cibles précises ou tu peux t'en aller dans la rue puis comme un peu dans Fable, décider de tuer la ville au complet? Puis, Non, parce qu'il y a toujours le créneau des assassins. Tu sais, mettons que tu te trompes, là, tu arrives à côté d'un templier ou d'un garde puis tu essaies de le tuer, mais ton personnage, pour une raison XY, on imagine là, qu'il pogne le citoyen qui est tout de suite à côté là, dans la foule. Ça se peut, là, tu sais, ça pourrait arriver, là, un bug quelconque. Là, on va te dire, genre, Arnaud ne tuait pas des innocents. Fait que tu le fais plus, tu sais. On t'avertit même, sinon tu vas te faire déconnecter. Décide que t'es dans la foule, tu commences à attaquer tout le monde, on va te déconnecter, puis on va te reloader, puis on va dire, hey, Arnaud faisait pas ça. On t'invite à attaquer juste les gardes et les templiers. OK. Fait que c'est vraiment, il y a quelque chose de prévu pour ce genre de comportement-là dans le jeu, là. OK. Non, c'est correct, c'est juste savoir, parce que à un moment donné, c'est ça, dans Fable, on te permet de vraiment trucider qui tu veux, puis à un moment donné, ça vient que tout le monde t'haït dans la ville. Tu sais, si tu fais une erreur, à un moment donné, tu tues un passant par erreur parce que tu swingais un méchant, puis le passant t'es comme dans les jambes, ben, tu te ramasses à ce que la police te court après, puis à un moment donné, ça vient comme... Tu sais, les gardes te courent toujours après, puis ça vient un peu gossant, parce que tu peux pas rentrer dans un village sans être obligé de te battre. Fait qu'à un moment donné, ça vient un peu plate. Puis à un moment donné, tu fais juste à dire, bon, mais tant qu'à ce que tout le monde me court après, moi, tuer tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais non, t'as pas vraiment la liberté de choix de dire, je vais devenir bon ou mauvais. Là. Ça, ben, tu joues une histoire précise. Fait que tu joues un assassin qui était théoriquement un bon gars, tu sais, qui était pas un méchant. Tandis que dans Fable, on te permet de faire un peu des deux. Là. J'ai hâte de voir aussi, c'est justement en parlant de Fable, j'ai hâte de voir le prochain Fable parce que... Encore des espoirs, me semble. T'as pas été assez déçu jusqu'à maintenant? Ben, j'ai hâte de voir les graphismes sur la nouvelle génération. J'ai hâte de voir aussi le fait que c'est une équipe différente. Peter Molineux est plus du tout impliqué dans ce jeu-là. Est-ce que ça va faire du bien à la franchise? Puis... j'ai hâte et pas hâte aussi de voir parce que ça va être un jeu multijoueur en ligne. Mais ça va me permettre de jouer avec des gens qui sont sur PC. Donc, mon ami Simon, que je salue bien bas, avec qui je faisais le podcast CJUAP dans le temps, qui est un grand fan de MMORPG et tout ça, il a commencé à parler sur Facebook cette semaine de peut-être jouer à ça. Donc, je me dirais, ah, ben, cadeau. Ça peut être intéressant. T'sais, on pourrait jouer chacun de notre côté, moi sur ma Xbox One, lui sur son PC, et ça pourrait être bien. Vas-tu vraiment faire le cross-platform? Ben, ils en ont parlé d'une manière comme avec laquelle ils n'ont pas vraiment le choix d'y aller à cette heure. Fait que je te dirais que d'après moi, ça va se faire. Je te le souhaite. Le monde en parle assez à un moment donné. Le monde veut ça du cross-platform. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un va devoir le faire. Puis, pour le meilleur ou pour le pire, moi, j'ai hâte d'un shooter cross-platform PC-console. Ça va prendre une manière d'égaliser un peu le... Non, pas d'égalisage. Tu vas voir les consoles qui vont arrêter de dire que c'est un shooter, ça se joue sur console. Non! C'est ça. Non, ça se joue mieux sur PC. Mais encore là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui joue sur PC un shooter puis qui joue avec une manette? Tu sais, quand même. Fait que ça va être bon à voir, mais ça c'est intéressant. Mais comme j'allais dire avant que tu me coupes abruptement, mon espèce de impoli, s'il y a une compagnie qui est capable de faire le cross-platform facilement, c'est Microsoft. Oui, parce que c'est sûr. Windows, Xbox, ils ont le pied dans deux places. Tandis que Sony va devoir engager une gang qui va développer sur PC. Puis là, c'est vraiment un peu plus compliqué pour eux autres parce qu'ils sont pas dans... Ils sont pas dans le logiciel PC tant que ça, tandis que Microsoft sont dedans à plein, puis ils ont des compagnies qui sont capables de faire ça. Microsoft Studio, ils ont du monde qui s'en peut être codé des deux côtés. Puis j'imagine que l'architecture du ouais, prochain... c'est plus proche, là. Ouais, c'est plus proche. Puis aussi, il y a plein de rumeurs que une des mises à jour de la Xbox One va presque faire qu'elle va rouler sur Windows 10, là. Il me semble, c'est ça que j'ai lu à quelque part, que tout s'en va vers Windows 10. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir une mise à jour de console, puis on va se ramasser presque avec un Windows 10 sur la Xbox One. C'est clair qu'ils vont le faire. Ça va être tellement proche. Surtout s'il peut être plus léger, puis tout. Ouais. Pour aller rechercher des. Parce que ce que j'ai lu la semaine dernière, c'est que, entre autres, Microsoft avait débloqué. Il y a 8 processeurs, il y a 8 cœurs dans le processeur de la Xbox One et on a débloqué sur le 7e des capacités là, qui étaient réservées pour, exemple, la vidéo, de la reconnaissance de visuelle, des choses comme ça avec la caméra. La Kinect. Donc là, ça libère de la puissance. Si en plus, on change le Windows qu'il y a dedans, le firmware, et qui devient plus léger, prend moins de ressources, après ça, ben, tu es capable de manager ces ressources-là pour pouvoir les utiliser à d'autres fonctions pour les jeux. Ouais. Donc, ça, c'était intéressant. Oui, ben ça semble bien. Puis aussi, pour ceux qui s'intéressent, je me rappelle plein d'affaires que j'ai faites pendant le temps des fêtes. J'ai installé un disque dur externe sur ma Xbox One. Parce que je trouvais, puis tu dois trouver ça aussi. Faut-il que ce soit self-powered? Non. Je vais me dire ce que j'ai fait. C'est ça, moi, je commençais à trouver que mon disque dur commençait à être plein parce que, merci beaucoup, j'adore Microsoft parce que je reçois des jeux à faire des critiques avec assez souvent, puis je ne les remercierai jamais assez. Plus c'est les jeux gratuits. C'est ça, plus les jeux gratuits, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, je trouvais, ma Xbox, je l'ai acheté en fin d'année passée, puis il me reste juste 25% de disque dur qu'à faire. Et puis, j'avais un disque dur USB 3, un petit 2 pouces et demi, donc pas un gros disque, un petit disque 2 pouces et demi externe USB 3, parce que ça vous prend absolument un disque USB 3, pas un disque USB 2, ça prend un disque USB 3. Je pense que le minimum, c'est 250 gigs. Moi, j'avais un 500 gigs qui traînait. Donc, vous prenez ça. Vous soyez sûr qu'il n'y a rien dessus que vous voulez avoir, là, parce que ça va être too bad pour vous autres. Vous le branchez dans la Xbox et puis elle va détecter qu'il y a un disque dur qui a été branché dedans. Elle va vous demander deux choses. Voulez-vous vous en servir pour lire du média, donc des fichiers AVI, des films, de la musique et tout ça, ou voulez-vous vous en servir comme storage, ça veut dire pour mettre des jeux dessus. Et puis, si vous lui dites de s'en servir pour storer des jeux, elle va le formater et puis automatiquement, il va devenir votre disque principal quand vous téléchargez des jeux. Donc, vous vous ramassez avec, comme là, moi, j'avais 500 dans la console parce qu'il y a des, je pense qu'il y a des One avec des disques d'un Tera maintenant. Je pense que la console Call of Duty avait un disque d'un Tera dedans. Je pense qu'ils pensaient au patch puis tout ça qui allait sortir dessus pour avoir assez de place. Mais c'est ça, fait que là, je suis rendu avec un Tera de disque dur en 2500 gigs. Puis, aussitôt que je télécharge un jeu maintenant, c'est mon disque dur externe qui le ramasse. Fait que ça se fait super facilement. Là. Fait que faites juste vous acheter un disque USB 3. Moi, je vous dirais le plus gros, c'est le mieux. 500 gigs, c'est déjà pas pire. Si vous voulez vous ramasser un Tera, il se fait des Tera, si je me rappelle bien, en petit disque. Mais comme tu dis, JB, si tu mets un gros disque, donc un 3,5 pouces, les vraiment les plus gros, lui, n'est pas le port USB ne fournit pas assez de courant pour être capable de le faire fonctionner. Donc oui, ça va te prendre une prise externe. Mais c'est pas la Xbox qui n'est pas capable de le générer, c'est juste qu'un gros disque dur comme ça demande trop de courant pour que le port puisse le gérer. Ça prend absolument du courant externe. Donc si vous achetez un disque dur plus gros, parce qu'il y a Microsoft, à ce que j'ai vu, ont une limite minimum, mais n'ont pas mis de limite maximum. Fait que je pense qu'on pourrait acheter un disque externe de 2 Tera, le brancher dessus, il dirait que c'est du disque de storage, puis on aurait 2 Tera de storage sur la Xbox. Fait que c'est toujours une manière que vous pouvez y aller. Achetez-vous un gros disque dur de 3,5 pouces, un 1, 2, 3 Tera, branchez ça dans votre Xbox, dites-y que vous voulez vous en servir pour storer vos jeux, puis avant que vous ayez des problèmes d'espace, ça va prendre un petit bout de temps. Intéressant. Oui, parce que c'est plate. C'est la chose que je trouvais le fun de ma 360. C'est que j'avais pas à installer mes jeux à chaque fois. Mais maintenant, à cause que les deux consoles ont des Blu-ray, je suis rendu comme c'était avec la PS3. C'est que t'arrives, tu mets un jeu dedans, puis là, faut que tu l'installes avant de pouvoir le jouer. Fait que même un jeu que t'achètes va te bouffer ton espace de disque. Fait que c'est moins intéressant dans ce temps-là d'avoir une grosse collection de jeux parce que tu te dis, OK, il faut que je désinstalle lui pour installer lui. Mais c'est sûr, aujourd'hui, avec le prix que les disques durs coûtent. Je veux dire, tu peux avoir un disque dur d'un tera en bas de 100$, c'est 60 quelques dollars. Des fois moins que ça quand ils tombent en spécial. Là, j'ai vu des 2 tera à, je pense, 70$ pendant le temps des fêtes. Là. Fait que ça peut valoir la peine, des fois, de regarder les prix puis de s'en acheter un, même si on ne pense pas l'utiliser tout de suite, l'utiliser un petit peu plus tard. Bon, ben c'est parfait. Ceci étant dit, C'est assez. Ouais. Luc, où est-ce qu'on te retrouve sur le web? Ben, sur le web, sur Twitter, @Scalazormo. Il y a aussi le compte du podcast Auto qui est @podcastauto. Et puis, à part ça, ben, vous pouvez me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca. Dans la section véhicules, j'écris un article à chaque semaine pour eux. Bien du plaisir à le faire. J'en ai encore pour au moins, ben, j'imagine au moins l'année. Ils m'endurent et c'est intéressant. Donc, c'est ça, j'aime bien cela. Ouais, je comprends. Mais d'autres aussi ont tendu. Ouais, ben, je vois ça. j'écoutais l'émission de la semaine passée, puis j'hésitais quasiment à venir cette semaine. Vous aviez tellement eu de fun. Je me suis dit, ils n'ont pas besoin de moi. Vieux grincheux, j'ai pas besoin de ça. Si seulement tu savais comment est-ce que. On t'apprécie. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on dit. Tu doutais de ce que j'allais dire, hein? Non. C'est toujours ça qu'on dit quand l'autre est là. Puis quand il n'est pas là, on y plante des couteaux dans le dos. Mais non, fait que c'est ça. Mais je suis désolé d'avoir manqué notre centième, vraiment. Mais je pouvais pas. J'avais quelque chose avec le travail. Puis c'était un lancement de l'année. Fait que je pouvais pas. Pas y aller, ouais, mais j'ai pensé à vous autres pendant que j'étais là-bas. Quand 7h30 est arrivé, qui est normalement notre heure d'enregistrement, j'ai eu une petite pincée au cœur en disant « C'est notre centième, puis je suis pas là. » Mais ça, j'étais en train de vous écouter pareil en m'en revenant de travailler. Puis je trouvais que l'émission est meilleure quand je suis pas là, donc je vais peut-être quitter bientôt. Non! Fait que toi, JB... Si vous voulez manifester votre amour envers Luc... Non, faites-le. Faites vraiment pas ça, vous allez le regretter. Faites-le sur les différents comptes sur Facebook et Twitter de la réalité augmentée @RealitéHog et facebook.com/RealitéHog. Sinon, ben, par courriel aussi, c'est possible, RealitéHog@Outlook.com. Et sinon, ben, moi, personnellement, sur Twitter, @Gangji_B. Ouais, puis t'as un autre podcast aussi, là, que je vous ai mis une émission en ligne, genre, cette semaine, ouais, c'est ben ça. Oui, ben, hors-jeu. À un moment donné, là, ouais, hors-jeu. Ouais. Hors-jeu, tout dans un mot, dans un pain, c'est moi et Jerry Godbout, on s'amuse à parler de hockey, le Canadien, beaucoup d'Oilers, beaucoup de rumeurs, on s'est lâché lousse. En parlant du match des étoiles, c'était de la boîte cette année. Et nous autres, on a des idées. Écoutez ça, on a lancé ça. J'espère que Gary Bettman écoutait. On le sait qu'il est toujours là, c'est un fidèle. Oui, mais il écoutait, mais tout ce qu'il entendait, c'est... Ouais, c'est ça qu'on ne comprend pas. Là, mais non, c'est ça. On va y trouver des sous-titres pour qu'ils puissent comprendre. Ouais, ça ferait du bien à sa gestion de la ligue. Ou un traducteur. Oui, peut-être. Non, mais j'aime l'idée des sous-titres. Ouais, c'est ça. @ hors-jeu podcast sur Twitter, facebook.com/hors-jeu podcast. Et sinon, ben, cherchez-nous sur iTunes. D'ailleurs, on le dit jamais, mais si vous aimez ce que vous écoutez, autant la réalité augmentée que hors-jeu, sur iTunes, allez nous donner des étoiles pour qu'on puisse sortir plus haut dans les classements. Ouais, parce que dernier, c'est plate, être en bas. Exactement. Quand tu regardes en haut puis tu as toute la liste de podcasts disponibles sur iTunes, là, même ma tante Georgette qui fait son podcast, ses petits pains chauds, là, sa petite cuisine, là, puis elle est en haut, nous autres, c'est plate. Donnez-nous de l'amour sur iTunes. Ce serait très gratis. Apprécié. Ouais, c'est gratis en plus. Puis, juste rappeler, je sais qu'il y a peut-être du monde qui attend après le prochain épisode d'Histoire de Gamer. Je suis désolé, j'avais dit que j'en ferais plus souvent, mais là, ça a été les salons de l'auto, puis j'ai été bien occupé. Puis là, j'ai quelques événements dans les prochaines semaines, mais je vais faire mon gros possible pour sortir une émission au mois de février. Puis je vais même vous dire que théoriquement, mon invité, ça va être M. Lequin Doré. Anciennement de M. Net, il va venir jaser de jeux vidéo. Puis je l'ai rencontré à la dernière de M. Net, puis ça va être le fun parce qu'il y a beaucoup de jasettes, puis il est super intéressant. Fait que j'essaie de le booker. J'y en ai parlé quand je l'ai vu là-bas. J'ai dit juste, ouais, ça fait longtemps que je veux t'inviter. Puis il m'a juste dit, ben, toi, invite-moi. On a passé proche de travailler ensemble sur un projet. En tout cas, Ouf, ça, il sait ça, pas. Ça a il pas sait, abouti, là, mais. Ça a passé proche, puis il sait même pas. Non, non, il est au courant quand même. OK. Non, non, mais il aurait pu le regretter. Ouf, il sait pas sauvé. Comment est-ce qu'il a fait une bonne erreur de ne pas me prendre. Ça en est sauvé. Non, mais c'est on peut savoir quoi? Ou c'est... Non, non, non, c'est dans le domaine professionnel. Ah, OK, mais c'est beau d'abord. C'est personnel! Toi, puis professionnel. Ouais, ça, non, va pas ensemble. C'est rare, là, mais moi, des fois. OK. Non, c'est beau. Fait que c'est ça, ça devrait être quelque part dans vos oreilles au mois de février. Si, exactement. Si tout va bien. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais, mais pas trop. Ouais. Alors, tenez pas votre souffle. Non, non, non. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été du rendez-vous. Merci à toi, Jean-Benoît, de m'avoir enduré pendant cette petite agréable. Heure. Oh, oui. J'ai trouvé mon whisky pour te retrouver. Là. Ça a super bien été. Ouais, ça, je l'ai mis dans ma poche arrière. Et... ça a bipé. Là, je... Ah, Luc est là! C'est ça, il est à côté de moi. Oh, maudit! Donc, si vous voulez être du rendez-vous pour une prochaine fois, on va vous accueillir avec joie. Mais vous, les auditeurs et auditrices, faites passer le mot. Plus on est de fous, plus on a besoin de psychiatres. Et on se revoit dans un prochain élément de la réalité augmentée. Bye-bye. Bye tout le monde.